suis acheté une balançoire pour espionner chez les voisins. Ah ouais? Non, arrête. Et tous les soirs où je broie du noir, je vais mater dans leur jardin. Oh l'autre est... Mec d'à côté est policier, il a pas grand chose dans la tête. Il a même des tatouages sur les pieds pour ta Marcel et une casquette. Dans la journée, il trompe sa femme et il se saoule à la vodka. Et quand elle rentre du travail, il rejoint la maison Boulaga. Il est minuit dans mon jardin, j'entends des cris, je descends du lit. Georgette me retient par la main. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire pipi. Je casse la gueule dans l'escalier. Georgette se met à gueuler. J'ai pas fait d'office, bordel. De toute façon, je suis trop excité. Faut que j'aille voir ce qui se passe à côté. Je m'élance sur la balançoire. Je vois le voisin et la voisine. Ils sont à poil sur leur plumage. Oh, qui m'a vu? Putain, trop tard. Ni une ni deux, le voisin s'est levé et a sauté par-dessus la haie.